بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. C'est notre 9e assise autour de l'étude de cette Risala, dont le titre est l'interdiction d'étudier chez les gens de l'innovation. Nous sommes au 28e chapitre, Inch'Allah. Ijma'u al-salaf ala tarki sama'i kalami ahli al-ahwa. Le consensus des puisés sur le fait de délaisser et de ne pas écouter les gens de l'innovation. Enfin, pourquoi certains de nos frères invitent des gens de l'innovation et des gens qui ont été critiqués par les hommes de science, et ils réunissent les jeunes autour d'eux? Et tu entends certains de nos frères dire: hier j'ai entendu une belle parole d'Abi Ishaq et de le Munajjid, d'une parole qui va de conformément avec la voie d'Il Salaf, Wallah al-Musta'an. En oubliant que Salaf, leur consensus, l'unanimité d'Il Salaf est sur le fait de ne rien entendre d'un innovateur. Yaqul al-Sheikh Hafidhahullah, akhraj al-Imam ibn Battah في كتابه الإبانة بسند صحيح عن عبد الرحمن بن أبي زناد أنه قال: أدركنا أهل الفضل والفقه من خيار أولية الناس يعيبون أهل الجدال والتنقيب والأخذ بالرأي أشد العيب، وينهون عن لقائهم ومجالستهم، وحذرنا مقاربتهم أشد التحذير، وحذرنا مقاربتهم أشد التحذير. ابن بطة رحمة الله عليه dans son livre الإبانة avec une chaîne de transmission authentique de rapport de عبد الرحمن بن أبي زناد qui l'a dit: ils ont vécu à une époque où il y avait beaucoup d'hommes de vertu, d'hommes de science, d'hommes de jurisprudence, parmi les meilleurs, parmi les premiers meilleurs, et ces premiers meilleurs, ces hommes de science, etc., interdisait le fait de polémiquer avec les gens de l'innovation et de prendre la science des gens qui mettent leur opinion, qui utilisent leur opinion et qui laissent les textes. Et ils interdisaient le fait de les rencontrer, de s'asseoir avec eux, d'être en leur compagnie. Il avertissait beaucoup contre ça. Il disait: nous avions été avertis contre ça. Et tout ça, ce sont les gens de l'innovation. Wa qala al-imam Abu Uthman Sabuni fi kitabihi 'Aqidatu as-Salaf wa Ahli al-Hadith wa ittafaqu ma'a dhalika 'ala al-qawl bi qahri ahli al-bid'ah wa idlalihim wa ikhza'ihim wa ib'adihim wa iqsa'ihim wa at-taba'ud 'anhum ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله بمجانبتهم ومهاجرتهم. انتهى كلامه رحمه الله. إمام الصابوني رحمه الله dans son livre qui est l'aqida ديال السلف les gens du hadith dit: ils étaient unanimes sur le fait de rabaisser les gens de l'innovation et de montrer leur situation aux gens et de les éloigner et de les mettre de côté et de s'éloigner d'eux et de ne pas être en leur compagnie, de ne pas sympathiser avec eux, de ne pas s'approcher d'eux et plutôt s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala par le fait de les éviter et de les mettre à la quarantaine. C'est un acte avec lequel on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقال أيضا ويبغضون يعني أهل الحديث من السلف أهل البدع والذين أحدثوا في الدين ما ليس منه ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقلت في القلوب ذرت وجرت إليها الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت وفيهم أنزل الله عز وجل قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا انتهى كلامه رحمه الله. Il dit aussi que les gens du hadith parmi les salaf détestaient les gens de l'innovation et ceux qui ont innové des choses nouvelles dans la religion de Allah qui ne font pas partie de la religion de Allah. Ils ne les aiment pas, ils ne restent pas en leur compagnie, ils s'éloignent d'eux, ils ne écoutent pas leurs paroles, ils ne s'assoient pas là où ils sont, ils ne polémiquent pas avec eux, ils ne débattent pas avec eux, et ils protègent leurs oreilles de ne pas écouter leurs paroles. Il leur faut, car ces faux et ces paroles fausses, quand ils traversent l'oreille, hein, il va s'installer dans le cœur et lui faire du mal. Et il va ramener du waswas à la personne et des mauvaises pensées. Et en cela, il dit, c'est pour cela que le verset dit, si tu vois ceux que, qui polémiquent. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Dans le verset. يقول الشيخ حفظه الله وقال مسلم في مقدمة صحيحه حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح حدثنا إسماعيل بن زكريا عن حاس عن عاصم الأحول عن ابن سيرين قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظروا إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وننظروا إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم انتهى كلامه رحمه الله. Et il nous rapporte aussi les paroles de l'imam Muslim dans l'introduction de son authentique. Il dit que Abu Ja'far Muhammad Sabah lui a dit que Ismaïl ibn Zakaria lui a dit de Asim al-Ahwal ibn Sirin. Ça, c'est la chaîne de transmission. Et Cheikh Moukbir, rahmatullah alayhi, dit, quand nous étions fatigués, on entend la chaîne de transmission, haddatana, haddatana, haddatana, et on retrouve le repos. Hein? Et il faut que les noms des transmetteurs des hadiths du prophète martèlent notre esprit. Il faut qu'on cherche leur biographie pour voir qui sont ces gens-là. Parce que c'est à partir de ces hommes-là que cette religion nous est arrivée jusqu'à nous, pure, avec cette chaîne de transmission. Il disait que Ibn Sirin a dit, auparavant, il ne posait pas de questions sur les chaînes de transmission, qui a transmis la chose. Mais quand le fitna est arrivé, commençait à demander, dès que quelqu'un dit, Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam a dit, dis-nous c'est quoi les hommes, de qui tu tiens ça? De qui tu le tiens? C'est quoi ta chaîne de transmission au prophète alayhi salatu wassalam? Et il dit, pour regarder, les gens de la sunna, on prend ce qu'ils disent, et les gens de l'innovation, on jette ce qu'ils disent. Ainsi, ils étaient ridwanullah alayhi. وقال إسماعيل بن يحيى المزني في رسالته شرح السنة والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم رحمك الله فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالا فمن ابتدع ضلالا كان أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا ويتقرب إلى الله عز وجل بالبراءة منه ويهجر ويحتقر ويجتنب وتجتنب غدته فهي أعدى من غدة الجرب وهذه المقالات وأفعال أجمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى انتهى كلامه رحمه الله تعالى. المزني بن يحيى dans sa risala شرح السنة dit on rompt pas mécréant les gens de la Qibla, c'est-à-dire les musulmans, et On désavoue ceux parmi eux qui ont innové un égarement dans la religion d'Allah. Et celui qui a innové un égarement dans la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'il a innové une mécréance, ben celui-là, il sort de la Qibla. Et il sort de la religion. Et on se rapproche d'Allah, subhanahu wa ta'ala, par le fait de le désavouer. Et de le mettre à la quarantaine, s'éloigner d'eux, de le rabaisser. Hein? Et on n'est pas en sa compagnie. Car le fait d'être en sa compagnie, c'est comme la gale, c'est contagieux. Et ses paroles et ses actes, les anciens sont à l'unanimité. Les imams de la communauté et de la guidée sont à l'unanimité sur le fait d'agir ainsi avec les gens de l'innovation. يقول حفظه الله ومعلوم أن هذه الأمور التي أجمع عليها السلف تحقيرهم وهجرانهم واجتناب غدتهم لا تتأتى مع تلقي العلم عنهم وهذا لا ينكره إلا من تمس الله بصيرته صلى الله سبحانه وتعالى أن يتمس بصيرتنا وإياكم الشيخ عبد الله بن ندير que cette situation sur laquelle le salaf était unanime, le fait de rabaisser, de négliger et de mettre à la quarantaine et de s'éloigner, de ne pas être en compagnie des gens de l'innovation, cela ne va pas de pair avec le fait de s'asseoir chez eux et d'apprendre chez eux. Et ceci ne le rejette que quelqu'un dans la clairvoyance, quelqu'un qui est aveuglé, qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aveugle pas nos cœurs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la clairvoyance dans notre situation. Parce que s'asseoir chez quelqu'un, regarde, salaf, il le délaisse. Le fait de s'asseoir chez lui et d'apprendre chez lui, qu'est-ce qu'on fait? On va à l'encontre de la parole du salaf. Radouanullah alayhi. يقول وقال الإمام الآجري رحمه الله في الشريعة وينبغي لمن تمسك بما رسمناه في كتابنا هذا أن يهجر جميع أهل الأهواء من الخوارج وغيرهم ولا ينبغي أن يكلم ولا يسلم عليه ولا يجالس ولا يناظره فإن قال فلم لا أناظره وأجادله وأرد عليه قوله قيل له لا يؤمن عليك أن تناظره وتسمع منه كلاما يفسد عليك قلبك ويخدعك بباطله الذي زين له الشيطان فتهلك أنت إلا أن يضطرك الأمر إلى مناظرته وإثبات الحجة عليه بحضرة سلطان أو ما أشبه لإثبات الحجة عليه فأما لغير ذلك فلا وهذا الذي ذكرت لك فقول من تقدم من أئمة المسلمين وموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى كلامه رحمه الله Et il nous rapporte ici les paroles de l'imam Ajur rahimahullah dans son livre Sharia. Il dit il est du devoir de celui qui se cramponne à la voie que nous avons tracée dans ce livre de délaisser, de mettre à la quarantaine tous les gens de l'innovation, Khawarij et autres. Et il n'est pas permis de leur parler, ni de les saluer, ni de s'asseoir avec eux, ni d'être en leur compagnie, ni de débattre avec eux. Et s'il dit, pourquoi je ne débat pas avec lui pour réfuter le faux dans lequel il est et pour que je lui fasse une réplique, chez l'imam Ajur, rahmatullah, il dit, on lui dit, on n'a pas la sécurité pour toi si tu dis pas débat avec lui, que tu entends une mauvaise de ses paroles et qui s'installe dans ton cœur, où ses paroles vont te trahir, ses belles paroles qui instaure le faux vont te trahir, et il va te trahir avec ses belles paroles que Shaitan lui a embellies, et tu vas périr. Il a dit, tu débats avec lui seulement si tu es obligatoire, si c'est obligatoire pour toi, pour mettre la preuve contre lui, en présence du gouverneur ou autre. Il est devant un gouverneur, il ramène, c'est comme il a fait l'imam Ahmed, devant le Mamoun, et devant certains khalifs de Harun Rashid, des Abbasides, il a répliqué à celui qui a instauré cette règle, cette croyance comme quoi le Coran, il est créé. Et il l'a mis au pied du mur. Il a dit, quand tu es obligé, l'imam al-Hajjur, rahmatullah, si tu es obligé à débattre avec lui pour confirmer et pour montrer la preuve en présence d'un gouverneur ou autre, ou une situation similaire, pour tout simplement mettre Hein, la preuve en évidence. Et la réalité en évidence. Mais en dehors de ça, tu ne le fais pas. Tu ne débats pas avec lui pour le plaisir de débattre. Hein? Il dit, ça, ce que j'ai cité ici, l'imam, là, j'aurais dit, là, c'est la parole des grands imams qui sont passés avant. Et c'est ce qui va de pair et conformément avec la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, arrête que Shaitan vienne jouer avec toi, je débat avec lui pour lui montrer, pour lui porter les preuves, etc. Éloigne-toi de lui, parce que tu n'as pas la sécurité. Si l'imam de l'islam, il s'éloigne de cette situation, comment nous, on doit s'immiscer dedans? Comment nous, on doit jouer avec notre religion? Hein? Qui, déjà, le biyaba de la langue arabe, on l'a pas, qu'est-ce qu'on fait? Faut pas s'envoyer dans la gueule du loup, akhal islam. Faut pas aller vers sa perte. وقال ابن أبي زمنين في كتابه رياض الجنة بتخريج أصول السنة ولم يزل أهل السنة يعيبون ويخبرونهم بخلافهم ولا يرون ذلك غيبة لهم ولا طعنا عليهم انتهى كلامه رحمه الله ابن زمنين dans son livre qui est un livre de l'Aqida les passions du jardin dans أصول السنة il dit et les gens de la Sunna ne cessent de critiquer les gens de l'innovation et de montrer comme quoi ils sont en divergence avec la sunna. Et ceci, ce n'est pas une riba, ce n'est pas une médisance. Hein? Loin de là. وقال ابن مفلح في كتابه الآداب الشرعية وذكر الشيخ موفق الدين رحمه الله تعالى وكان السلف ينهون عن مجالسة أهل البدع والنظر في كتبهم والاستماع لكلامهم انتهى كلامه رحمه الله ابن مفلح رحمه الله تعالى dans l'آداب الشرعية il dit et on rapporte que الشيخ موفق الدين a cité que السلف interdisait le fait de s'asseoir avec les gens de l'innovation et de jeter et de regarder dans leurs livres et d'écouter leurs paroles. Hada, c'est la voie de nos puiseurs d'Allah. Il ne faut pas s'en détourner. وقال مبارك فوري رحمه الله بعد أن ذكر خطر مجالسة أهل البدع واستماع كلامهم فإن السلف الصالح نهوا عن مجالستهم ومكالمتهم وكلامي مكالمهم واغلظوا في ذلك انتهى كلامه رحمه الله مبارك فور رحمه الله عليه après avoir parlé du danger du fait de s'asseoir avec les gens de l'innovation et d'écouter leurs paroles il a dit salaf les puiseurs d'Allah alayhim ont interdit le fait de s'asseoir avec les innovateurs de leur parler et de parler à celui qui parle aux innovateurs et ils étaient fermes là-dessus et sévères là-dessus وجاء في كتاب فتاوى أئمة المسلمين بقطع لسان المبتدعين في فتوى لبعض علماء مصر والشام والمغرب المتقدمين كلام هذا نصه وأجمع الأئمة المجتهدين على أنه لا يجوز أخذ العلم عن مبتدع وقالوا الزنا من أكبر الكبائر أخف من أن يسأل الشخص دينه مبتدعا انتهى كلامهم رحمه الله تعالى Et il est rapporté dans le livre Fatawa des imams, des musulmans, le fait de couper la langue de l'innovateur. Dans certains verdicts, certains hommes de science ont dit il faut couper la langue de l'innovateur. Hein? Et ceci est rapporté par certains hommes de science d'Égypte, du Maroc et du nord de l'Arabie, hein? Parmi les anciens. Et rapporté aussi certaines paroles qu'il nous cite ici. Et les imams qui sont dignes de l'effort de l'interprétation disent, ils sont unanimes sur le fait qu'il n'est pas permis de prendre la science chez un innovateur. Et ils disent que l'adultère, qui est un des péchés capitaux, qui fait partie des péchés capitaux, est plus léger que le fait de demander concernant sa religion à un innovateur. Cela ne veut pas dire qu'il néglige les péchés capitaux, abadan, mais pour te montrer que le fait de poser des questions sur ta religion ou de l'apprendre chez un innovateur est très dangereux, parce que ça détruit ta religion. Et tu vas être contraire à la sunna, dans une voie qui est contraire à la sunna du prophète, alayhi salam. Hein? Mais il te montre que le danger de l'innovation est beaucoup plus grave, plus dangereux que le danger de... des péchés capitaux, alors que les dangers, dans les deux cas, il y a danger. Mais le danger le plus grave pour détruire ta religion, c'est l'innovation et les innovateurs à l'islam. Donc il faut que tu fasses très attention. نقل ذلك صاحب كتاب موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع الدكتور إبراهيم الرحيلي، ومما نقله أيضا من ذلك الكتاب من كلام العلماء، والمطلوب المؤكد من الشخص أن يعمل بما يوافق الكتاب والسنة ويترك كل ما عدا ذلك، وكل من كره السنة والعمل بها كافر يجب البعد عنه، ومن كان من المشايخ مرتكبا للبدعة تاركا للسنة يجب التباعد عنه وهجره ومقاطعته، ولا يجوز تلقي العلم عنه لأنه مفسدة للدين وهي مفسدة أكبر من ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. Et les paroles qui ont été rapportées des fatwas des imams de l'islam, qui les rapporte, c'est celui qui a écrit, Dr. Ibrahim Rahuli Hamidine, qui a écrit son livre La position des gens de la Sunna et ceux qui sont unanimes sur la Sunna en ce qui concerne les gens de l'innovation et des passions. Ce livre, il y a, les hommes de science ont des critiques dessus. Hein? Et tu vas voir, Cheikh tout à l'heure va nous citer un passage sur lequel il y a des critiques, et il va réfuter après. Et dans ce livre, il y a, Cheikh Rahali, il dit, ce qui est demandé, ce qui est confirmé à un être humain, qu'il doit mettre en application la sunna, mettre en application tout ce qui est conforme avec le livre d'Allah, l'authentique de la Sunna, et de laisser de côté tout ce qui est contraire à ça. Et il dit, tous ceux qui ont détesté le fait de mettre en application la Sunna, ceux qui détestent la Sunna et de la mettre en application, sont des mécréants, il est obligatoire de s'éloigner d'eux. Même s'il fait partie des grands chouyours, et que ce grand cheikh, il est dans l'innovation, délaissant la sunna, il est obligatoire de s'éloigner de lui, même si c'est un grand cheikh, et de le mettre à la quarantaine, et de ne pas prendre chez lui, car c'est un grand mal dans la religion. Et quoi de plus grand mal que le fait de s'asseoir et d'apprendre chez un innovateur, hein? Wa na'ti ila le chapitre 29, أقوال السلف في النهي عن مجالسة أهل الأهواء واستماع كلامهم. Maintenant avec le chapitre 29, les paroles du salaf radhiyallahu anhu dans le fait pour nous interdire le fait de s'asseoir avec les gens de l'innovation et d'écouter leurs paroles. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه a dit. Et qui c'est عمر بن الخطاب? Le deuxième khalif de cette communauté. Celui qui rentre dans cette phrase du prophète alayhi sallam qui a dit « Cramponnez-vous à ma sunna et à la sunna des khalifs bien guidés. » قال الأجري في الشريعة حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا إسماعيل بن محمد بن أبي كثير قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن عن يزيد بن أبي خصيفة عن السائب بن يزيد قال أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا يا أمير المؤمنين إنا لقينا رجلا يسأل عن تأويل القرآن فقال اللهم أمكنني منه فبينما عمر رضي الله عنه ذات يوم يغد الناس إذ جاءه رجل عليه ثياب وعمامة يتغدى حتى إذا فرغ قال يا أمير المؤمنين والداريات ذروا فالحاملات وقرا فقال عمر رضي الله عنه أنت هو فقام إليه فحصر عن ذراعيه فلم يزل يجلده حتى سقطت عمامته فقال والذي نفسي عمر بيده لو وجدتك محلوقا لضربت رأسك ألبسوه ثيابه واحتملوه على قتب ثم أخرجوه حتى أقدموا به بلاده ثم ليقل إن صبيغا طلب العلم فأخطأه فلم يزل وضيعا في قومه حتى هلك. الأجري dans Sharia de nous rapporter après la chaîne de transmission qu'un homme que Yazid ibn Abi al-Khasifa, le rapportant de Sa'ib ibn Yazid, a dit qu'ils sont venus vers Omar ibn Khattab, ils lui ont dit, « Ah, Amir al-Mu'minin, nous avons rencontré un homme qui pose des questions sur où est le Coran. » C'est-à-dire, le monde des interprétations ou là des fausses interprétations sur le Coran. Omar ibn Khattab a dit, « Que Allah subhanahu wa ta'ala fasse que je le rencontre, que je l'attrape. » Un jour, Omar ibn al-Khattab servant à manger aux gens, et tout d'un coup, un homme habillé, une imama sur la tête, enturbané, et il a mangé, et après il a dit, prince des croyants, il a commencé à lui poser des questions sur certains versets, Omar ibn al-Khattab l'a regardé, lui a dit, donc c'est toi, il l'a attrapé, l'a retroussé son manche, il lui a donné le coup de fouet sur le dos, et il dit, si je t'avais trouvé rasé, je t'aurais coupé la tête. Parce que le fait d'être rasé tout le temps, c'est une caractéristique du Khawarij. Si je t'avais trouvé ainsi, je t'aurais coupé la tête. Et Omar ibn al-Khattab s'est acharné sur lui, avec les coups de fouet à le frapper, jusqu'à ce que l'imam d'Omar ibn al-Khattab est tombé. Il lui a dit, par celui qui tient mon âme, Omar ibn al-Khattab fait le serment, par celui qui tient mon âme entre ses mains, si je t'avais trouvé la tête rasée, je t'aurais coupé la tête. Il a dit, mettez-lui ses vêtements, mettez-le sur une monture, et sortez-le, et quand il arrive chez lui, là-bas dans son pays, qu'il se lève, et qu'il dise que Sabir a demandé la science, mais il s'est trompé. Et, ainsi il a agi Omar ibn al-Khattab avec Sabir. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu en penses? Il avait raison ou pas? Alhamdulillah. وفي رواية للدارمي أن عمر أرسل لطائب من جريد فضربه بها حتى ترك ظهره دبرة ثم تركه حتى برع ثم عاد له ثم تركه حتى برع فدعا به ليعود له فقال صبيغ إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برئت فأدن له إلى أرضه وكتب إلى أبي موسى الأشعري ألا يجالسه أحد من المسلمين فاشتد ذلك على الرجل فكتب أبو موسى إلى عمر أن قد حسنت توبته فكتب عمر أن إئذن للناس بمجالسته انتهى كلامه رحمه الله Et dans la version de Darimi, qu'Omar, il a envoyé le fait de lui ramener les branches de palmier. Il lui a donné des coups, jusqu'à ce que son dos a saigné. Il l'a laissé dans un coin, jusqu'à ce que son dos soit guéri. Il a refait la deuxième. Et la troisième fois, ils lui ont ramené, il allait le faire. Il lui a dit, Omar, prince des croyants, si tu veux me tuer, fais-le comme il se doit. Tue-moi d'un seul coup. Ne me fais pas souffrir. Et si tu veux me guérir, par Allah, je suis guéri. Guéri des ambiguïtés. Guéri. Et quand il a entendu ça, Omar ibn al-Khattab, il a donné l'ordre qu'il parte chez lui. Il a écrit une lettre à Abi Moussa al-Ash'ari, qui était son gouverneur là-bas où habite le bonhomme. Il lui a dit que personne parmi les musulmans s'assoit avec lui. C'est-à-dire, il rentre dans sa ville, il n'y a personne qui doit lui parler. Et personne ne doit. Et l'homme est resté pendant un laps de temps comme ça. Tellement, il était très mal. Et après, Abu Moussa al-Ash'ari a écrit une lettre à Omar ibn al-Khattab. Il lui a dit, le bonhomme, il s'est repenti, son repentir est bon. À ce moment-là, Omar ibn al-Khattab lui a écrit, il a dit aux gens de s'asseoir avec lui et de parler avec lui. Dans une version de Darimi, cet homme, Sabir, au moment où il est allé voir la fitna de Uthman ibn Affan, les perturbateurs sont venus le voir. Ils lui ont dit, c'est maintenant ton temps, viens. Il leur a dit, non, l'homme vertueux m'a guéri. Ça veut dire que l'hajr qu'a ordonné Omar ibn al-Khattab, il y a quoi qu'il lui a donné pour sortir de son innovation, lui a servi. C'est pour ça que les salafs d'Allah alayhi savent que ça sert à quelque chose pour celui qui... كذلك قول عبد الله بن عباس قال الآجري في الشريعة وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو تقي هشام بن عبد الله بن عبد الملك الحمصي قال حدثنا محمد بن حرب عن أبي سلمة سليمان بن سليم عن أبي حسين عن أبي صالح عن ابن عباس قال لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب الآجري دو غابورتي Je vous évite la chaîne de transmission et la parole est à Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas a dit, ne t'assois pas avec les gens de l'innovation. Car le fait de s'asseoir avec eux, c'est une maladie pour les cœurs. Ça rend les cœurs malades. قول محمد بن سيرين رحمه الله. قال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه: حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب وهشام عن محمد، وهنا تحويل في السند، وحدثنا فضيل عن هشام قال وحدثنا مخلد بن حسين عن هشام عن محمد قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. محمد بن سيرين comme il est rapporté dans la muqaddima, dans l'introduction de l'authentique de Muslim, et je vous évite la chaîne de transmission, et la parole de Ibn Sirin, il dit cette science est une religion. Regardez chez qui vous prenez votre religion, tu ne dois pas la prendre chez un innovateur. وقال الدارمي في مقدمة سننه: حدثنا سعيد بن عامر عن أسماء بن عبيد قال دخل رجلان من أصحاب الأهواء على ابن سيرين فقال يا أبا بكر نحدثك بحديث، قال لا، قال فنقرأ عليك آية من كتاب الله، قال لا، لتقومان عني أو لأقومن، قال فخرج فقال بعض القوم يا أبا بكر وما كان عليك آية من كتاب الله، قال إني خشيت أن يقرأ علي آية من كتاب الله فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي. ميديت بيان ساخ الإسلام تفاس با أفوار رغاد سيت بوزيسيون داري منو رابورت dans son introduction, dans l'introduction de Sisunan, que Saïd ibn Amr leur a dit, que Asma ibn Ubaid leur a dit que deux hommes sont rentrés voir Ibn Sirin. Ils lui ont dit: Ya Aba Bakr, on va te citer un hadith. Il leur a dit non. Ils ont dit: Ya Aba Bakr, on va te lire un verset du Coran. Il leur a dit non. Ou vous sortez de chez moi ou je sors. Vous levez, vous sortez de chez moi ou je sors. Ils sont partis. L'homme qui était là, il a dit: Ya Aba Bakr, qu'est-ce que ça fait qu'il te lise un verset du Coran, un verset du Coran? Il a dit: j'ai peur qu'il lise le verset du Coran, qu'il le déforme et que ça s'incruste dans mon cœur. Hein? Qu'est-ce qu'on va dire, nous? On n'a pas la science de Ibn Sirin. Je vais entendre ce qu'ils disent. Je vais prendre le vrai, je laisse le faux. On n'arrive même pas à la poussière qui tombe de Ibn Sirin, des pieds de Ibn Sirin. Et regarde, Ibn Sirin, même pas un verset du Coran, il veut laisser cet innovateur le dire, le réciter. Pas un hadith, il veut le laisser. Là, je vais... Hein? On est avec, on rigole avec, il nous raconte des histoires, il nous parle de la religion, rien. Je prends le vrai, je vais laisser le faux. Comment tu vas prendre le vrai et le faux? Il faut qu'on arrête d'être un but de soi. Hein? Et qu'on regarde bien les positions d'El Salaf, radouallah alayhim. وقول الحسن البصري مع محمد بن سيرين. قال الدارمي أيضا: حدثنا أحمد حدثنا زائد عن هشام عن الحسن وابن سيرين أنهما قال: لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا إليهم. Et dans Sunan الدارمي il le rapporte الحسن البصري بن سيرين la même parole en vous évitant la chaîne de transmission. Ils disent tous les deux: ne vous asseyez pas avec les gens de l'innovation, ne polémiquez pas avec eux et n'entendez rien d'eux. Hein? J'espère que les paroles d'El Salaf vont être une leçon pour nous, qu'on arrête d'être un but de soi et de faire n'importe quoi, d'ouvrir nos oreilles et nos cœurs à n'importe qui. وقول سعيد بن جبير رحمه الله قال الدارمي: حدثنا سليم بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال: رآني سعيد بن جبير جلست إلى طلق بن حبيب فقال: لما؟ فقال لي: ألم أرك جلست إلى طلق بن حبيب لا تجالسنه. ها سعيد بن جبير l'un des grands jurisconsultes de Médine à son époque. Darimi a dit que Sulaiman ibn Harb leur a dit, de Hamad ibn Zayd qui leur a dit, de Ayyub, il a dit que j'ai vu Saïd ibn Jubayr Ayouba dit, Saïd ibn Joubair m'a vu s'installer à Tarq ibn Habib. Il lui a dit, t'ai-je pas vu t'asseoir à Tarq ibn Habib? Plus jamais tu t'assois avec. Plus jamais tu t'assois avec. Averti sur place. Fini, tu t'assois plus avec. Hein? Lorsqu'il n'y a pas dit, tu dur, quoi que ce soit. Comme quelqu'un, il va te dire, hein? Attention aux assises de tel. Hein? Oh non, tu dur, et qu'est-ce qui reste? Arrête, achi. Arrête, et qu'est-ce qui reste là? Il y a le bien, tout le bien, il reste, achi, l'islam. Hein? Dans les grands tombes de science, il y a un grand bien, achi, l'islam. Ils sont, alhamdoulilah, vivants maintenant. Et leur science est à portée de ta main. قول أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي قال الدارمي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال أبو قلابة لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. الدارمي دون غابورتي concernant la parole d'Abi Qallabata après la chaîne de transmission, Ayoub leur dit qu'Abu Qallab leur a dit, ne vous asseyez pas avec les gens de l'innovation, ne polémiquez pas avec eux parce que j'ai pas la garantie qu'ils vont pas vous engloutir dans l'égarement dans lequel ils sont, ou alors ils vont déguiser ce que vous savez comme bien, ce que vous savez comme sunna, ils vont la déguiser pour vous. قول أبي عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب بن ربيعة رحمهم الله جميعا قال مسلم في مقدمة صحيحه حدثنا أبو كامل الجحذري حدثنا حماد وهو ابن زيد قال حدثنا عاصم قال كنا نأتي عبد الرحمن السلمي ونحن غلمة أيفاع فكان يقول لنا لا تجالس القصاص غير أبي الأحوص وإياكم وشقيقا وكان شقيق هذا يرى رأي الخوارج وليس بأبي وائل. La parole d'Abi Abd al-Rahman Sulami, rapportée dans l'introduction de l'authentique de Muslim, après la chaîne de transmission, le rapporteur dit, nous étions des petits jeunes, tout jeunes, et Abi Abd al-Rahman Sulami leur disait, ne vous asseyez pas avec les conteurs d'histoire. Dans quel groupe il y a des conteurs d'histoire? Barakallahu fik. Ne vous asseyez pas avec les conteurs d'histoire, sauf Abi al-Ahwas, à l'exception d'Abi al-Ahwas. Et attention à Shaqiq. Shaqiq était de la tendance d'Al-Khawarij. Il y avait les pensées d'Al-Khawarij. Et ce Shaqiq, ce n'est pas Abi Wa'il, c'est un autre. Donc il les a avertis ou il ne les a pas avertis? Hein? Donc toi aussi, les conteurs d'histoire contemporains, Amr Khalid, hein? L'Arifi, Mohamed Yaqoub, hein? L'autre, Mohamed Hassan, c'est plus grave encore. Qui encore? Il y a un autre. Ah, là, là. Le Kuwaitien. Parmi les conteurs d'histoire, je parle des conteurs d'histoire. Tarek Sweden. Et ainsi de suite. Je parle des conteurs d'histoire. Je parle pas des tendances Khawarij. Je parle pas là pour l'instant des conteurs d'histoire. Ah, il faut faire très attention à l'islam. Qaul Abi al-Jawza est à les paroles des hommes de science. Tu peux aller les chercher dans les archives du Sahab. Qu'est-ce qu'ils disent sur tout cela? Avec preuve, ils prennent leurs paroles. Ça, c'est de l'égarement. Et ils épluchent leurs paroles. Ceux qui sont dignes d'éplucher les paroles et de décréter. Hein? Les preuves à l'appui. Dans quel audio il a dit ça? Dans quel livre il a là, etc. Ils les cataloguent. Et donc, il faut que tu fasses très attention. قول أبي الجوزاء أوس بن عبد الله الربعي قال الإمام بن بطة حدثنا أبو القاسم قال حدثنا أبو حاتم حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد بن زيد حدثنا عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء قال لأن يجاورني قردة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني رجل من أهل الأهواء. وقد دخلوا في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. Tiens-toi bien maintenant. Parce que la parole de Biljaouza est très forte. Ibn Battah, il le rapporte après la chaîne de transmission que Biljaouza a dit: que mes voisins soient les porcs et les singes. Je préfère que mes voisins soient les porcs et les singes que ce soit les gens de l'innovation. Et il dit: les gens de l'innovation rentrent dans ce verset. Ou vous qui avez cru, ne prenez pas comme confident et comme conseiller ceux en dehors de vous. C'est-à-dire, n'allez pas chercher les gens de l'innovation et les gens du mal, et vous les prenez comme confident, comme conseiller, etc., et à leur demander des conseils, etc. Regarde, ils préfèrent avoir les porcs et les singes comme voisins. Parce que si c'est les porcs et les singes, il n'y a que l'odeur qui va le gêner. Mais les voisins, que le voisin, quand il est innovateur, il va te gêner dans ta religion, il va détruire la religion de la personne. Et c'est plus grave. Et ce genre de parole doit attirer notre attention, que nous devons faire très attention à notre religion. قول يونس بن عبيد قال الإمام بن بطة في الإبانة حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد قالنا يونس بن عبيد لا يمكن أحدكم سمعه من ذي هوى وقال محمد لو أني أعلم أن أحدكم يقوم من عندهم كما جلس لم أبالي. إذن la parole de Abi al-Jawza où il a dit que ses voisins soient les... ça peut supposer autre. Les populations qui ont été transformées en pauvres, en porcs et singes. Et ici la parole de Yunus ibn Ubaid, l'imam ibn Battah dans l'Ibana, il dit, après la chaîne de transmission, que Yunus ibn Ubaid leur a dit, que quelqu'un parmi vous ne donne pas, n'écoute pas les gens de l'innovation. Et il dit, si je savais que vous allez rentrer et s'asseoir avec eux, et que vous allez sortir comme vous étiez auparavant, ça aurait été égal pour moi. Cela veut dire, parce que quand vous allez vous asseoir chez eux, et vous allez écouter, vous n'allez pas être, vous allez être différent. Quand vous allez rentrer et vous asseoir, vous êtes arrivé avec un autre esprit. Quand vous allez les écouter, et gober leurs ambiguïtés, vous allez sortir avec un autre esprit. Et c'est pour ça qu'il avertissait, radhiallahu anhu. قال أيوب بن أبي تميم السختياني رحمه قال الدارمي أخبرنا سعيد عن سلام بن أبي مطيع أن رجلا من أصحاب الأهواء قال لأيوب أسألك عن كلمة قال فولى أيوب وهو يشير بأصبعه ولا نصف كلمة وأشار سعيد بخنصره اليمنى. Et Ayoub Sakhtiani, sa parole, comme il est rapporté par Darimi, dit que après la chaîne de transmission, un des gens de l'innovation a dit à Ayoub Sakhtiani, je te pose une question sur une phrase. Ayoub Sakhtiani est parti, il lui a donné le dos. Il lui a dit pas la moitié d'une phrase. Et Saïd, qui rapporte, a montré avec son petit doigt, tu, même pas une petite phrase. La moitié d'une phrase, tu ne me poses pas la question. Il ne veut même pas les laisser lui poser la question sur un mot. Et pas la moitié d'un mot non plus. Faut qu'on ne se fasse pas avoir, frère en Allah Azza wa Jal. وقال الإمام مسلم في مقدمة que certains parmi nous voient le globe trotters du tablir, regardez la barbe, alhamdulillah, c'est la sunna et kada. Il dit si je ne demande pas à lui, à qui je vais demander? À qui je vais lui demander? Et des fois, il lui pose des, certains ont posé des questions à certains parmi ceux qui font le tourisme sur terre sur des questions de mariage, il les a envoyés dans l'adultère. Dans des situations dans lesquelles ils sont, déjà la situation, c'est une situation de l'adultère, il le confirme là-dedans. Et il vient pour sympathiser avec lui, pour qu'il rentre dans son parti. Et pour qu'il fasse le tourisme comme lui. الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. وقال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه: حدثنا عبيد الله بن عمرو القواريري، حدثنا حماد بن زيد قال: كان رجل قد لزم أيوب وسمع منه ففقده أيوب، فقالوا له: يا أبا بكر إنه قد لزم عمرو بن عبيد. قال حماد: فبينا أنا يوما مع أيوب وقد بكرنا إلى السوق، فاستقبله الرجل فسلم عليه أيوب وسأله، ثم قال له أيوب: بلغني أنك لزمت ذاك الرجل. قال حماد: سماه يعني عمرا. قال: نعم يا أبا بكر، إنه يجيئنا بأشياء غرائب. قال: يقول له أيوب: إنما نفر أو نفرق من تلك الغرائب. إيه dans l'authentique de Muslim. Ah, Ayyub Sikhtiyan, rahmatullah alayh, avec quelqu'un qui apprenait chez lui. Et du jour au lendemain, il ne le revoit plus. Il a posé la question. Il lui a dit qu'il va chez Amr ibn Ubayd, une tête de l'égarement. Et un jour, avec le rapporteur du hadith, ils étaient au marché le matin de bonne heure. Ils ont rencontré cette personne que Abu Bakr, c'est-à-dire Ayyub Sikhtiyani, ne voit plus à ses assises. Il lui a dit, il m'a été dit, il m'a été transmis, comme quoi tu t'assois à Amr. Il lui a dit, oui. Il lui a dit à Baba qu'il nous ramène des songes, des idées, des choses et des paroles étranges. Ayyub Sikhtiyani, Baba lui a dit, c'est de ça que nous nous sauvons. Nous nous sauvons de ces choses étranges qui ramènent le bonhomme. Ça veut dire, tu dois te sauver de là. Ah. وقال الإمام النووي وهو يفسر قول أيوب هذا ومعناه إنما نهرب أو نخاف من هذه الغرائب التي يأتي بها عمرو بن عبيد مخافة من كونها كذبا فتقع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كانت أحاديث وإن كانت من الآراء والمذاهب فحذاري من الوقوع في البدع أو في مخالفة الجمهور. انتهى كلامه رحمه الله. الإمام النووي رحمة الله عليه وننتخبرتون cette parole d'Ayyub Sikhtiyani, il dit, ça veut dire que nous nous sauvons de ce genre d'étrangeté, de paroles et de paroles étranges, de ces idées étranges que dit et qu'on ramène Amr ibn Ubayd, par peur qu'on ne tombe pas sur le mensonge, sur le prophète alayhi salam, si c'est un hadith et si c'est des opinions d'interprétation, etc., pour ne pas tomber, par peur de ne pas tomber dans les innovations et d'être en divergence avec la grande partie des hommes de science. وقال مسلم أيضا حدثنا الحجاج حدثنا سليمان بن حرب قال سمعت سلام بن أبي مطيع يقول بلغ أيوب أني آتي عمرا فأقبل علي يوما فقال أرأيت رجلا لا تأمنه على دينه كيف تأمنه على الحديث. C'est dans chez Muslim après la chaîne de transmission. On a transmis à Ayyub Sikhtiyani rahimahullah Abu Bakr, comme quoi Ibn Abi Mathir fréquente Amr ibn Ubayd. Il a été le voir un jour, il lui a dit, est-ce que tu vois un homme, tu ne peux pas lui faire confiance sur sa religion, comment tu peux lui faire confiance sur le hadith? En parlant de Amr ibn Ubayd. Tu ne peux pas lui faire confiance dans sa religion, comment tu peux lui faire confiance dans le hadith? Ça veut dire, sauve-toi, tu es en danger. وقول عبد الله بن المبارك قال مسلم في مقدمة صحيحه وقال محمد سمعت علي بن شقيق يقول سمعت عبد الله بن مبارك يقول على رؤوس الناس دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف. عبد الله بن مبارك comme il est rapporté dans l'authentique introduction de l'authentique de Muslim رحمه الله تعالى. Il dit que Muhammad ibn Shafiq, Ali ibn Shafiq disait que j'ai entendu Abdullah ibn Mubarak dire devant tout le monde, et les assises d'Abdullah ibn Mubarak, il y avait des milliers de personnes qui assistaient. Quand Abdullah ibn Mubarak, il rentrait dans la capitale des Abbasides, à l'époque de Harun al-Rashid, Il y avait du monde qui le suivait. Du monde derrière lui. La poussière, à tel point que le rapporteur disait tellement que les gens étaient serrés dans la marche qu'ils perdaient leurs chaussures et les chaussures se déchiraient. Hein? Hada, il écrase la chaussure de l'autre et il se déchirait. Et beaucoup de bruit. La mère de Harun Rashid a entendu tout ça, il a ouvert la fenêtre et il regardait. Il a dit à la servante, c'est qui? Il a dit, ça c'est le savant du musulman Abdullah ibn Mubarak. La père de Harun Rashid a dit, ça c'est le royaume, c'est pas comme le royaume de mon fils. Mon fils il le suit par le fouet. Quant à celui-là, son fouet ils sont derrière lui. Et les assises de Abdullah ibn Mubarak étaient énormes. Étaient énormes. Hein? Et donc ça veut dire que quand il a dit devant tout le monde, devant le public, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de monde qui ont entendu cette parole, dit laissez, délaissez le hadith de Amr ibn Thabit car il a insulté Salaf radiyallahu anhu wa arda. وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل أنبأنا أبو زرعة أنبأنا عارم أبو النعمان قال سمعت ابن المبارك يقول أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد تقتبس حكما وعلما ثم قيده بقيد لا كثور وكجهم وكعمر بن عبيد. ابن أبي حاتم dans son livre La Réfutation et l'Éloge, dit qu'Abu Zar'a le rapportant de Alim ibn Nu'man qu'il a entendu ce poème de Abdullah ibn Mubarak qui a dit « Ô toi le demandeur de science, va chez Ahmed ibn Zayd pour que tu aies la sagesse, tu aies la science et écris, c'est-à-dire ce que tu as, écris-le. Et ne va pas, ce n'est pas comme Taur et comme Jahm et comme Amr ibn Ubayd. Ça veut dire ne va ni chez Taur, ni chez Jahm, ni chez Amr ibn Ubayd. » Rahimahullah ta'ala. Ainsi ils étaient pour conseiller la communauté pour ne pas tomber dans l'égarement à l'islam. Wa qawlu Mus'ar ibn Qaddam qala Muslim fi muqaddimati sahihah haddathana Hasan al-Halwani haddathana Yahya ibn Adam haddathana Mus'ar qala haddathana Jabir wa ibn Abi Yazid qabla an yuhdith ma ahdath. La parole de Mus'ar ibn Qaddam rapportée par dans l'introduction de Sahih Muslim après la chaîne de transmission, il a dit que Jabir leur a dit, que Ibn Yazid leur a dit avant qu'il innove ce qu'il a innové. Qu'est-ce qu'il a innové? Il a innové quelque chose de grave qui est sa foi en Raj'a. Raj'a, c'est ce que disent les Rafida, cette fausse croyance qu'ils ont que Ali est dans le tonnerre, il est dedans. Et qu'ils disent, on ne va pas sortir avec l'aide du fils de Ali jusqu'à ce que Ali ne parle. Jusqu'à ce que le tonnerre leur dise, sortez avec lui. Hein? Et ça, ça fait partie des grandes fausses croyances qu'ils ont rawafid. Hein? Rawafid, comme on dit, salaf Abdullah Alim, s'ils étaient des animaux, ils seraient des ânes. Et s'ils étaient des oiseaux, ils seraient Rahm. Rahm, c'est un oiseau insensé, c'est un grand aigle. Il est noir, il a sur le ventre une tache blanche. Il a une particularité, c'est qu'il n'a pas de raison. C'est-à-dire, quand il a des œufs quelque part, quand il se lève pour aller boire, il ne sait plus où il est le chemin pour ses œufs. Ainsi dit Salaf, s'il devait être des animaux, ça serait des ânes, et s'il devait être des oiseaux, ça serait des Rahm. C'est pour ça que c'est pas étonnant qu'ils ont cette croyance d'Al-Raj'a, que Ali est dans le tonnerre, ou dans le sahab plutôt, c'est le nuage, et que quand un de ses fils va arriver, on ne sortira pas avec lui que jusqu'à ce que Ali parle. Jusqu'à ce qu'il les appelle du ciel. Sallallahu subhanahu wa ta'ala, salam wa l'afiyah. Et donc ce Jabir, avant, il n'avait pas cette idée-là. Mais après, c'est pour ça que celui qui a rapporté le hadith, il dit, il nous a dit avant qu'il ait innové cette innovation, qu'il est tombé dans cette innovation. قول عبد الله بن عون قال ابن بطه في الابانه حدثنا ابو القاسم قال حدثنا ابو حاتم قال حدثنا احمد بن ابراهيم بن كثير الدورقي قال حدثنا ابو عبيده قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد قال سمعت ابن عون يقول لا يمكنن احدكم احد منكم اذنيه من ذي هوى ابدا. ها حماد بن زيد ان امام, ها عبد الرحمن بن مهدي c'est un imam, hein, et toute la chaîne est une chaîne d'imams. Et il dit comme il est rapporté, et Ahmad ibn Zayd, dont auparavant dans la poésie d'Abdullah Mubarak, il conseillait à, au demandeur de science d'aller apprendre la science, c'est Ahmad ibn Zayd. Ce Ahmad ibn Zayd, il dit, quelqu'un parmi vous ne donne pas son oreille aux gens de l'innovation. Jamais il donne son oreille, c'est-à-dire jamais il doit écouter quelqu'un de l'innovation. قول جرير بن عبد الحميد قال مسلم في مقدمة صحيحه حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو قال سمعت جريرا يقول لقيت جابرا بن يزيد الجعفي فلم أكتب عنه كان يؤمن بالرجعة. جرير بن عبد الحميد comme il est rapporté chez l'imam muslim dans son introduction qu'il a rencontré Jabir, celui dont on vient de parler maintenant avec son innovation de الرجعة. Et je l'ai vu, Jalil ibn Yazid al-Ju'fi, j'ai rien écrit de lui. Je l'ai rencontré, mais j'ai rien écrit de lui parce qu'il croyait en Raja. Cette fausse croyance de Rawafid. Qawl Sufyan Thawri, rahimahullah. قال ابن بطة في الإبانة حدثنا أبو القاسم حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبي قال سمعت سفيان الثوري يقول ما من ضلالة إلا ولها زينة فلا تعرض دينك إلى من يبغضه إليك. Et la parole de Sufyan Thawri rapportée dans l'Ibana après la chaîne de transmission, Sufyan Thawri il dit wa alaykoum salam wa rahmatullah, chaque égarement il a son embellissement, il a un embellissement. N'expose pas ta religion à quelqu'un qui va te faire détester ta religion. Chaque égarement, il a son embellissement. N'expose pas ta religion à quelqu'un qui va te la détester. وعنه أيضا من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصبة الله وأكل إليها يعني إلى البدع. Il disait aussi, celui qui écoute un homme, un prêcheur de l'innovation, il sort de la protection d'Allah. Et il sera laissé avec son innovation. وقال ابن بطة في الإبانة حدثنا أبو القاسم حدثنا أبو حاتم حدثنا يحيى بن عثمان الحمصي حدثنا الفريابي قال كان سفيان الثوري ينهاني عن مجالسة فلان يعني رجلا من أهل البدع. إيش ابن بطة aussi الفريابي a dit que سفيان الثوري lui a interdit de s'asseoir avec certaines personnes de l'innovation. وقول عبد الله بن طاووس قال معمر بن راشد في جامعه كما في آخر مصنف عبد الرزاق كان ابن طاووس جالسا فجاء رجل من المعتزلة فجعل يتكلم قال فأدخل ابن طاووس أصبعيه في أذنيه وقال لابنه أي بني أدخل إصبعيك في أذنيك واشدد ولا تسمع من كلامه شيئا. قال معمر يعني أن القلب ضعيف. عبد الله بن طاووس comme il est rapporté à la fin du Moussanaf d'Abd al-Razzaq, Taous était assis, et un homme parmi les Mu'tazila est venu. Il a commencé à disserter et à parler. Abdullah ibn Taous, avec la science qu'il a, il a mis ses mains, et il a fermé ses oreilles. Et il a dit à son fils, fiston, ferme tes oreilles. Ferme tes oreilles, et serre bien sur tes oreilles. N'écoute aucun mot de lui. Mahmoud a dit que le cœur est faible. Hein? On a dit que tu le vois raconter des histoires, hein? Il monte pour raconter des histoires devant le monobor. Ah, je vais écouter. Et certains parmi nous rigolent, gars. Regarde, c'est là comment ils étaient, ils se sauvaient, ils cachaient, ils serraient sur leurs oreilles pour ne pas entendre un mot. Et ils avaient de la science, qu'est-ce que nous avons nous? قال أبي زرعة وأبي حاتم قال اللالكائي حدثنا أحمد بن المضفر المقري قال حدثنا حسن بن محمد ابن حبش المقري حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال سمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع يغلظان في ذلك أشد التغليظ وينكران وضع الكتب برأي في غير آثار وينهيان عن مجالسة أهل الكتاب والنظر في كتب المتكلمين ويقولان لن يفلح صاحب كلام أبدا. Ça, c'est les paroles d'Abi Hatim, d'Abi Zara et Abi Hatim, rapportées par l'Alaka'i dans son livre. Et Abi Hatim dit, j'ai entendu après la chaîne de transmission, mon père Yaba Zara'ata ordonnait le fait de mettre à la quarantaine, de s'éloigner de des gens de l'innovation et de l'égarement. Et ils étaient sévères et fermes là-dessus. Et ils blâmaient le fait d'écrire des livres avec l'opinion, sans qu'il y ait de preuves, sans qu'il y ait de hadith, sans qu'il y ait de parole d'Allah. Et ils interdisaient le fait de s'asseoir avec les gens du livre, et de regarder dans les livres des philosophies et de la dissertation. Et ils disent, jamais quelqu'un de l'école de la dissertation ne réussira. Et maintenant, regardez les salafs, comment ils interdisaient le fait de lire dans les livres des gens du livre. Maintenant, on leur donne le manbar pour parler de l'islam et pour parler de l'hijra. Hein? Enfin, les élections de 2006, l'examen municipal dans une ville du nord de la France, après le Jumu'a, le maire est rentré et il a commencé, ils lui ont donné la chaise et il a commencé. Hein? Quand les Quraïchites étaient maltraités à la Mecque, ils ont immigré vers un roi d'Abyssinie là-bas. Subhanallah. Et quoi encore? Et maintenant, on va commencer à apprendre la biographie de notre prophète, version, vous savez. قال أبو محمد وبه أقول أنا. Et Abu Muhammad, il a dit ce qu'a dit Abu Zar'a et Abu Hatim, c'est ce que je dis moi aussi. وقال أبو علي وبه أنا أقول. La même chose, Abu Ali a dit, je dis la même chose aussi. وقال شيخنا أبو المضفر وبه أقول. Et Abu المضفر, il a dit la même chose. Je dis la même chose, c'est-à-dire comme Abi Hatim, comme Abi Zara. Wa qala shaykhuna ya'ni al-musannif lalaka'i wa bi yaqul. Et aussi lalaka'i a dit la même chose, je dis la même chose. Wa qala shaykh Abdullah al-Somali, qultu wa bihi yaqul ulama'una ajma'un. Et shaykh Abdullah al-Somali, à la fin, il dit, et c'est la même parole que disent les hommes de science, tous. Tous nos hommes de science, c'est-à-dire même les contemporains. وقول سفيان بن عيينة قال مسلم في مقدمة صحيحه حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا الحميدي حدثنا سفيان بن عيينة قال كان الناس يحملون عن جابر قبل أن يظهر ما أظهر فلما أظهر ما أظهر اتهمه الناس في حديثه فتركه بعض الناس فقيل له وما أظهر قال الإيمان بالرجعة سفيان بن عيينة. Dans l'introduction de l'authentique de Muslim, il dit que, après la chaîne de transmission, que Sufyan ibn Uyayna a dit que les gens avant, ils apprenaient, ils prenaient le hadith de Jabir. Vous vous rappelez de qui c'est Jabir? Ils viennent de passer avec nous. Ibn al-Ju'fi hada, qui croyait en quoi? En Raja'a. C'est-à-dire, avant d'avoir cette croyance en Raja'a et avant de le faire apparaître, cette innovation, les gens, ils prenaient le hadith de lui. Et quand il a montré comme quoi, hein, il prenait, comme il a montré cette croyance d'Yalta Raja'a, les gens l'ont accusé dans son hadith. Ils l'ont laissé. Hein, et on lui a posé, qu'est-ce qu'il a montré? Il a dit, le fait de croire en Raja'a. Donc, certaines personnes l'ont mis de côté, l'ont mis à la quarantaine, se sont sauvées de lui. Pourquoi? Pour sauver leur croyance, pour sauver leur religion. وقول محمد بن نصر الحارثي عابد أهل زمانه بالكوفة قال ابن بطل العبكري في الإبانة حدثنا أبو القاسم حفص بن عمرو قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا محمد بن عبادة البختري قال حدثنا عبادة بن كليب أبو غسال ليتي عن محمد بن النصر الحارثي قال من أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة وهو يعلم أنه صاحب بدعة أوكل إلى نفسه وخرج عن عصمة الله. Je vous évite la chaîne de transmission et La parole se retrouve dans l'Ibana. Et c'est la parole de Mohammed ibn Nasr al-Hariti, qui était l'adorateur des gens de l'Koufa à son époque. Et il dit, cet homme là disait, celui qui écoute les paroles d'un homme de l'innovation, en sachant, il sait que c'est un homme de l'innovation, il sera laissé libre à lui-même. Il sortira de là, du fait d'être protégé par Allah. Sallallahu subhanahu wa ta'ala, salam wa la'afi. وقول الإمام البربهاري رحمه الله قال في كتاب شرح السنة وإذا رأيت الرجل عابدا مجتهدا متقشفا محترقا بالعبادة صاحب هوى فلا تجلس معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق فإني لا آمن أن تستحلي طريقك طريقه فتهلك. الإمام البربهاري رحمه الله dans son livre شرح السنة كتاب un très bon livre au niveau des croyances. Mais il faut avoir avec l'explication d'un cheikh, et on a plein. Il y a l'explication du cheikh Fawzan, et l'explication en audio du cheikh Abdelhadi, il n'y a pas longtemps. Et il a dit, dans son imam al-Barhabahar, il a dit, quand tu vois l'homme adorateur, il fait des efforts dans les adorations. En plus, il se suffit du peu de ce bas monde. Il brûle pour l'adoration. Mais si tu as un homme de l'innovation, ne t'assois pas avec lui, ne te fais pas avoir par ses adorations. Il n'écoute pas ses paroles, il ne va pas avec lui sur le même chemin. Car je n'ai pas la sécurité pour toi, que tu ne vas pas trouver bien ce qu'il est en train de faire et tu vas périr. Tu vas trouver qu'il est bien et que tu vas le suivre, tu vas périr. Donc ne te fais pas avoir par l'adoration de quelqu'un s'il n'est pas sur la sunna. Éloigne-toi à l'islam et sauve-toi et sauve ta religion. وقال أيضا أي الإمام البربهاري فاحذر ثم احذر أهل زمانك خاصة وانظر من تجالس ومن تصحب ومن تسمع. Il a dit aussi l'imam al-Barbahari, fais très attention aux gens de ton époque, surtout aux gens de ton époque, et regarde avec qui tu es, avec qui tu t'assois, de qui tu entends, qui est ton compagnon. وقال أيضا رحمه الله وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريقة للسنة قبلك فاحذر الكلام وأصحاب الكلام والجدل والملاء والقياس والمناظرة في الدين فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في القلب وكفى به قبولا فتهلك. إلى ديوس رحمه الله تعالى toujours les paroles sont à l'imam al-Barbahari. Si tu veux être dans la droiture, être dans la vérité, dans le chemin des gens de la sunna avant toi, fais attention à la spéculation, à la dissertation, et aux gens de la spéculation, aux gens de la polémique, aux gens qui font les analogies là où il ne faut pas, et à ceux qui débattent dans leur religion. Car le fait de les écouter, même si tu n'acceptes rien d'eux, cela va ajouter le doute dans ton cœur, et ça suffit pour que tu périsses. Cela va jeter le doute dans ton cœur, ça te suffit pour périr. قول الإمام النووي رحمة الله عليه قال في معرض حديثه عن أنواع الغيبة المباحة ومنها إذا رأى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك فعليه نصيحته ببيان حاله بشرط أن يقصد النصيحة. انتهى كلامه رحمه الله في رياض الصالحين. الإمام النووي رحمة الله عليه الذي en parlant de genre de situation dans lequel est permis la médisance. Il dit quand tu vois quelqu'un demandeur de science aller apprendre chez un innovateur ou un pervers pour prendre chez eux la science et que tu as peur que ça lui fasse du mal, il faut que tu le conseilles, tu lui montres la situation de cet homme là avec la condition c'est que tu veuilles pour ça le conseil. وقول الإمام الذهبي رحمه الله قال في سير أعلم النبلاء عند ترجمة أبي قلابة بعد أن ذكر أثرا لأبي قلابة أنه قال يعني أبا قلابة إذا حدث الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وهاتي كتاب الله فاعلم أنه ضال. الإمام الذهبي رحمه الله عليه dans سير أعلم النبلاء il dit dans la biographie concernant Abi Qallaba après qu'il a parlé et a rapporté certaines preuves d'Abu Qallaba, il a dit qu'Abu Qallaba a dit, quand tu parles à l'homme avec la sunna et que tu dis laisse la sunna et ramène le livre d'Allah, sache que c'est un égaré. قال الذهبي قلت أنا وإذا رأيت المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب والأحاديث الآحاد وهات العقل فاعلم أنه أبو جهل. الإمام الذهبي il a dit, moi je dis, si tu vois celui qui parle, l'innovateur, dire, laisse le livre d'Allah de côté, laisse les hadiths ahad de côté, et donne la raison, viens de certains avec ta raison, sache que ça c'est Abu Jahl. يقول وإذا رأيت السالك التوحيد يقول دعنا من النقل ومن العقل وهات الذوق والوجد فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة بشر أو قد حل فيه فإن جنبت منه فاهرب وإلا فاصرعه وابرك على صدره واقرأ عليه آيات الكرسي واخنقه. انتهى كلامه رحمه الله. الذهبي دو كونتيني دو دير سي تي فوا كيلكان ستادير parmi الصوفيا mystique, comme ça, etc. Il te dit, laisse les textes de côté. Laisse la raison de côté et ramène, c'est-à-dire, les situations dans lesquelles ils rentrent, la transe, etc., ce qu'ils sentent dans leur intérieur avec, quand ils rentrent, quand ils commencent à faire leur dhikr innové, etc. Il dit, rahimahullah, sache que c'est Iblis qui a apparu dans l'image d'un être humain. Soit, si tu arrives de te sauver, bah, sauve-toi. Sinon, filoui al-ruqya et attrape-le et assois-toi sur sa poitrine, il est dessus à être coursi, jusqu'à l'étrangler. Ainsi, j'étais Ridwallah alayhim. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est la voie de nous puiser Ridwallah alayhim. Si nous voulons l'accomplir, nous devons rester sur une religion saine. Nous devons suivre nous puiser Ridwallah alayhim. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous protège de l'égarement. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous protège de l'innovation. On s'arrête là, on terminera inshallah le livre tout à l'heure après ça entre le Maghreb et l'Isha. Wa subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsan Allahu alaykum jazakumullahu khair.